Regarde sur ces rocs au sol, tu reflètes tes empreintes de vivre. Si sèche que le fond de mon bol, un mirage dans un cerveau ivre qui part sans cesse tourbillonnante. Toi la grande qui ne peut vivre, sa passion toujours brûlante. Ça n'a rien à faire les frères. Simplement tu t'immisces, attirant l'âme, le fond des gens, aussi surmagnétique aimant. En 2001, attise le vent, tu accouches du psychotropique. Ça donne un meurtre très éblouissant, la plus pure tradition épique. C'est la folie qui nous attend. Grandiose majesté boréale, illumine les nuages noirs, chargés de gaz et de pétrole. Enflammeront le ciel du soir, veillons les macroscopiques. Silicieux à des rites bâtards, réveillons les êtres magiques. Ça demande, je vis ça. Que la lune soit belle ce soir. Que la lune nous envahisse sans choix. Que la lune soit belle ce soir. Qu'elle nous déshabille, qu'elle nous éblouisse. Ils s'uniront au soleil, les secrets des gardes qui veillent par le reflet qui s'émerveille. Celui seront dans notre sommeil et commenceront les cabrioles. Les seins troublants dans le noir, à les saisir par le formol. On donne envie sur la loi. Délivrant, chanteuse, un message que l'on ne peut ouïr que si l'on casse et brise nos chaînes, désapparant tout ce qu'on a pu lire. Ceux qui a appris à l'école, inspiré le souffle libre de trop bonnes terres agricoles qui ont eu envie de nous dire. Mes enfants, arrêtez de décoller. La vie même est dans tout ce qui s'éclaire. Votre sang, mon malheur, ont progressé. Sans le sens et sans ceux qui l'ont inspiré. La cadence vous sublime à fond danser. Que la lune soit belle ce soir. Que la lune nous envahisse sans choir. Que la lune soit belle ce soir.